La tragédie de juin 1940, les Parisiens de l'exode à l'occupation. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Mais avant de bonjourer notre invité, seulement les Parisiens qui ont obéi à la mobilisation dès septembre 1939. Tel Mimille, Mimille, c'était selon Maurice Chevalier la coqueluche à Ménilmuche. Un god Ménilmontant, un vrai petit perico, un gavroche, un titi, un marrant, Mimille, il est toujours content. Si Mimille vous est sympa, surtout ne le cherchez pas, il a quitté le quartier. Son départ s'est fait sans bruit, on avait besoin de lui pour un autre métier. Alors rangeant sa gapette, ses chemises en satinette, couleur de ratloukoum, il rejoignit le premier jour, mais en blaguant toujours, je m'en vais au badaboum. C'est un gars de Ménilmontant, un brave petit bonhomme, comme en France aujourd'hui il y en a tant, Mimille, ah, oh, ils sont comme ça des mille, chez tous nos combattants. Et maintenant, il est temps de bonjourer Sylvie Zedman. Sylvie Zedman, vous êtes dans l'ancien poste de commandement du colonel Roltanguy à la Libération, dans l'ancien octroi de Paris qui est devenu récemment le musée Jean Moulin et de la Libération. Bonjour Sylvie. Bonjour à vous Jean Lebrun. Et vous avez inauguré juste avant la crise une exposition intitulée « Les Parisiens dans l'Exode » qui reprend, c'est une date tout à fait prédestinée, le 16 juin et qu'on pourra voir en ordre serré, enfin pas trop serré, jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la mi-décembre. On était ces derniers temps, nous autres, les Français de 2020, dans l'incertitude. Les Parisiens de 1939-1940. Ils sentaient aussi que c'était difficile de calculer l'avenir et certains d'entre eux avaient laissé leurs enfants à la campagne à la fin des vacances de 1939, tandis que d'autres étaient envoyés par des organismes sociaux dans les provinces pour poursuivre leur scolarité. Oui, en fait, ce qui s'est passé juste avant la déclaration de guerre de septembre 39, donc à la fin août 1939, c'est que les autorités ont fait partir des personnes vulnérables et 30 000 enfants parisiens vers soit des colonies de vacances, soit des écoles qui étaient fermées en raison des vacances, en province, de façon à les épargner en cas de bombardement de Paris. Il y a eu aussi 600 000 Alsaciens mosellans, hein, vous savez, qui ont été évacués à ce moment-là. Et donc, c'est une forme de préparation à la guerre, c'est une forme de protection des Parisiens qui s'instaure à ce moment-là. Dans ma cave, qui n'est pas éloignée de votre poste de commandement de l'avenue d'Enfer Rochereau, il y a encore des flèches qui indiquent les endroits où on peut s'installer en cas de bombardement. La défense passive était bien préparée ? La défense passive était bien préparée parce que elle existait depuis de nombreuses années. Et donc, il y avait des lois, des décrets qui permettaient son application. Et donc d'envisager notamment le renforcement de 40 000 caves dans Paris, ce qui est quand même assez important comme chiffre. 40 000 caves plus des abris administratifs du type de celui que vous évoquiez, que nous avons donc sous l'actuel musée de la Libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin, donc à 20 mètres sous terre. Un abri administratif avec les fameuses flèches que vous évoquiez et qui auraient dû servir en cas de bombardement de Paris au service technique de la ville. Alors, premières inquiétudes pour les Parisiens, peu de jours après l'offensive allemande. Nous sommes mi-mai. C'est pas que je veuille parler de moi, mais le fils du président de la République s'appelait Jean Lebrun. Et le 17 mai, un appel téléphonique à l'Élysée. Monsieur le Président, c'est un appel de Monsieur Jean Lebrun, il est à Beauvais. Alors, il aurait dû être, Jean Lebrun, sous les drapeaux avec son unité plutôt du côté des Ardennes. Et le président de la République, qui est assez émotif, est tellement saisi de savoir son fils replié si près de Paris, ça indique peut-être une offensive allemande, qu'il en lâche son téléphone de saisissement. Et c'est le moment où, dans l'anxiété, des fonctionnaires importants du Quai d'Orsay disent bah, « il serait peut-être temps de commencer à brûler les archives le 16 mai ». Oui, le 16 mai, déjà on est dans une phase assez décisive de la guerre. Donc il faut voir que les Parisiens, eux, ont été préparés à une guerre, je dirais, traditionnelle, comme la guerre de 14, si tant est qu'elle était traditionnelle. En tout cas, une guerre de bombardement avec des gaz toxiques, mais absolument pas une invasion. Donc on comprend bien le saisissement. Les Allemands ont très vite franchi les Ardennes et en fait, ils sont là. Déjà le 16 mai, ils sont sur le territoire français. Et donc, effectivement, tout le monde est saisi, en tout cas le gouvernement, l'état-major. Mais les Parisiens, eux, ne savent rien. Ils comprennent pas très bien ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas tellement d'informations. C'est le 3 juin que des bombardements réussis par les Allemands vont signifier la première vraie alerte. Ceci, vous dites, il n'y a pas d'information. Ceci, c'est un reportage rassurant des actualités cinématographiques. Les bombardements, c'est de la routine. On sait y répondre. Dans la grande bataille engagée, l'aviation allemande se montre particulièrement active. Elle multiplie ses incursions sur notre territoire. Elle le fait souvent avec une témérité qui lui coûte cher. Nos communiqués sont là pour en faire foi. Les bombardiers ennemis ont tenté de survoler la région parisienne. Ils étaient 16 qui, par vague de 8, s'approchaient de la capitale. Tentative qui a coûté cher aux Allemands. En effet, une demi-heure ne s'était pas écoulée que 4 lourds bombardiers gisaient au sol, touchés à mort. Oui, peut-être, mais le 3 juin, à 13h06, l'alerte a été mal retransmise par la Tour Eiffel. Le message a été en partie brouillé. La plupart des chasseurs français sont restés au sol. Enfin, heureusement, pas tous. Il y a des groupes polonais et belges d'aviation qui sont intervenus. Et le quartier de la Maison de la Radio, qui n'existe pas encore, mais qui est consacré, par exemple, du côté du pont Mirabeau aux usines Citroën, un peu plus loin dans le 15e arrondissement au ministère de l'Air, est sévèrement bombardé, Sylvie Zellmann. Oui, tout le quartier de tout le 15e arrondissement est touché par ce bombardement. Villacoublay, Le Bourget, Orly, et en fait, on compte plus de 250 morts. Mais évidemment, les informations qui se veulent rassurantes, comme on vient de l'entendre, font état d'une quarantaine de morts, pas plus. Ceci dit, ça provoque un certain émoi dans la population parisienne, et c'est là, après ce 3 juin 1940. Que vont s'organiser les premiers départs des Parisiens qui comprennent que finalement, bah, les Allemands sont bien plus près que ce qu'on a pu leur dire. Et l'anxiété va devenir de la peur quand, le 10 juin, le gouvernement quitte Paris. La veille, le colonel Thomas avait donné sa dernière conférence de presse aux journalistes. Il représente le ministre de la Guerre. Le général de Gaulle, le sous-secrétaire d'État, occupe maintenant la grande salle aux armures du ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique. Et le colonel Thomas s'est transféré quai d'Orsay. Et on lui demande, dans le salon de l'horloge, « Mon colonel, le gouvernement va-t-il quitter Paris ?» Et le colonel répond « Eh ben, je n'en sais rien. Le gouvernement quitte Paris. Le 10, l'exode commence à s'accélérer. Le 11, ce sont les derniers jugements au palais de justice dont rencontre Maurice Garçon, l'avocat, dans son journal. On condamne les propos défaitistes. Le tribunal militaire sera bientôt seul à siéger. Et l'accélération s'accentue, Sylvie Zellmann, le 11, 12, 13. Oui, effectivement, parce que lorsque les Parisiens se rendent compte que le gouvernement a quitté la capitale, évidemment, c'est le déclenchement de la panique. Et donc le 11, le 12 et le 13, il y a des mouvements extrêmement importants de population qui s'en vont, qui quittent Paris, donc ils vont se rendre dans les gares, gare Saint-Lazare, qui ferme rapidement, gare d'Austerlitz, gare de Lyon, gare Montparnasse. Alors dans l'exposition que vous évoquiez, qui va ouvrir donc le 16 juin au musée, Nous avons présenté des photographies des gares complètement remplies de gens qui tentent de prendre des trains. On a des témoignages et puis on a des dessins de jeunes filles, des dessins de jeunes élèves parisiennes qu'on a trouvés au Musée national de l'éducation et qui rendent compte, quelques semaines après les événements, de la panique et du chaos. Et on voit les gens partir comme on en a l'image en tête, dans les voitures quand ils le peuvent, bien sûr, mais ceux qui n'en ont pas utilisent les vélos, les pieds, les charrettes, pour quitter la capitale. Voir les chalands et les péniches, parce que je parlais des archives du Quai d'Orsay, les archives de la préfecture de police, sont en partie transportées dans une péniche, l'audace, où la recommandation est, vous dynamitez tout si le danger allemand se fait pressant. Alors il va se faire pressant à Roanne, on va dynamiter la péniche, mais le commissaire de police de Roanne fait renflouer les skiffs et met au sec les archives, les renvoie à la préfecture de police. Elles se retrouveront à Moscou, dans le grand Maelstrom de la fin de la guerre avant d'être rapatrié à Paris. Vous faites un focus dans cette exposition, Sylvie Zedman, sur un garçon de 11 ans et puis sur un homme mûr déjà, un grand ami de Saint-Exupéry qui a publié un des plus beaux livres sur l'Exode, 33 jours, il s'appelle Léon Werth. Oui, alors grâce à ce témoignage de Léon Werth, on sait qu'il est parti le 11 juin avec sa femme depuis la porte d'Italie, qu'il est complètement coincé, il le raconte, il fait 16 km en 15 heures en voiture. Et finalement, il reste un moment dans la Loire avant de reprendre la route et d'arriver dans sa maison de Saint-Amour, dans le Jura, le 13 juillet. Vous imaginez le temps. Et quant au jeune garçon, il s'agit d'une famille anglaise qui est installée à Paris et qui décide de partir aussi le 11 juin dans la panique généralisée. Et eux vont partir avec ce petit garçon de 10 ans en vélo. Et ils vont descendre jusqu'à Saint-Jean-de-Luz en vélo. Là, ils vont embarquer sur un bateau pour l'Angleterre. Et donc, on a des photographies qui ont été faites par ce jeune garçon et par sa famille. Dans tous les endroits où ils s'arrêtent, ils photographient les paysans qui les accueillent. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur les péniches, dans le livre d'or de notre exposition, qui est placé en fin d'exposition, une personne a raconté que lorsqu'elle avait 13 ans, elle s'est rendue plusieurs fois, 3 jours de suite, à la gare d'Austerlitz pour essayer de prendre un train. Et elle a entendu des haut-parleurs qui disaient que des péniches accueilleraient les réfugiés. Et elle s'est retrouvée toute seule à 13 ans sur une péniche, qui est parti dans un convoi de péniches remplies de réfugiés. Et ils sont arrivés jusqu'à Melun, et là, les Allemands les ont fait descendre. Et elle raconte que les Allemands ont récupéré ces péniches. Donc il y avait toutes sortes de situations les plus incroyables possibles. Combien d'enfants perdus, en effet? Combien de Parisiens sont partis? Peut-être 2/3, on ne va pas discuter des chiffres, Sylvie Zedman. La moitié de la population de la banlieue aussi. Et le 13 juin, Paris est déclarée ville ouverte. Il paraît que le général Weygand avait songé à Delattre comme gouverneur militaire de Paris, qu'il l'avait trouvé trop jeune, et lui a préféré le général Hering, qui finalement va organiser le retrait des troupes françaises des environs de la capitale, et le général Dens, qui devra préparer l'arrivée des Allemands, restera le 13 et le 14 juin avec quelques centaines d'hommes seulement, non? Oui, alors ce qui se passe, en fait, c'est que donc Hering est gouverneur militaire et il reçoit donc l'ordre de ne pas défendre Paris, contrairement à ce qui avait été décidé auparavant. En fait, c'est Dens qui demande à l'ambassadeur américain William Bullitt de contacter les Allemands pour lui dire que finalement la ville sera ouverte. Et Pierre Hering, qui lui reçoit un ordre de repli, remet le gouvernement militaire à Dens, son adjoint, et c'est Hering qui fait placarder l'affiche indiquant que Paris est désormais une ville ouverte. Et c'est ainsi que le 14 juin, à 5h30 du matin, les deux premiers camions allemands franchissent la porte de la Villette. Hier est le Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Frankreichs zu verteidigen, zunichte gemacht. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Ici la radiodiffusion du Reich Grand Allemand avec tous ses émetteurs. Voici un important communiqué spécial du service d'information radio. Le haut commandement de l'armée nous fait savoir qu'à l'instant vient d'avoir lieu l'entrée des troupes allemandes victorieuses dans Paris. Alors, sans l'eau, oh, oh, sans l'eau sont entrés dans Paris, soit parissés, soit parivrés. Sans l'eau sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans l'eau sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que trois pattes, c'est un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit six ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmant Elvire. Les loups ont envahi Paris. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Les Parisiens, à l'heure de l'occupation, on évoquait avec Sylvie Zelman il y a un instant, à la lueur de l'exposition qui rouvre dans son musée Jean Moulin et de la Libération, les Parisiens pendant l'Exode. Il reste encore beaucoup de recherches à faire. Gilles Ragache, dans son livre sur juin 40, chez Perrin, dit « Moi j'ai recensé peut-être une quinzaine de suicides. Il y en a un qui est avéré, tout à fait emblématique, dont l'écrivain François Sureau parle encore longuement dans son livre qui vient de paraître, L'Or du Temps, c'est, Sylvie Zelman, le suicide d'un grand chirurgien de l'hôpital américain de Paris, à qui l'ambassadeur Bellit, l'ambassadeur américain, avait demandé rester. Sylvie Zelman. Oui, Thierry de Martel est un chirurgien très très réputé. Mais il n'a pas supporté l'arrivée des Allemands. Et donc, là, on le sait clairement, puisqu'il a laissé un mot avant de s'injecter de la strychnine. Il a laissé un mot disant que rester, c'était laisser un chèque en blanc aux Allemands, mais que rester mort, c'était leur laisser un chèque sans provision. Donc, pour lui, il n'était pas question de survivre. On évoque aussi une autre mort qui fait image, mais dont on n'est peut-être pas très sûr des circonstances. L'enfant qui avait été guéri de la rage à 9 ans par Pasteur et qui était devenu concierge de l'Institut Pasteur, qui avait été un ancien combattant de la guerre de 14, Joseph Mester, il reçoit une visite un peu brutale des Allemands, et aussitôt, les Allemands ayant tourné Kazakh, il va chercher son revolver et il se tue. Mais comment interpréter les suicides ? Sylvie Zelman. Ça, c'est toute la question. Aussi, pour celui de Thierry de Martel, il reste un mot qui nous explique le geste. Sinon, c'est un petit peu compliqué. Mais il faut se mettre un petit peu dans l'ambiance de l'époque. Les Allemands avaient menacé de bombarder Paris et finalement avaient posé des conditions à leur entrée. Ils avaient demandé à ce que Dens garantisse l'ordre à Paris et en banlieue. Le fonctionnement aussi des services publics, et ils avaient demandé un couvre-feu pour que la population reste enfermée chez elle pendant 48 heures. Et donc, on voit bien qu'en fait, les Allemands craignaient beaucoup la réaction des Parisiens, qui étaient réputés pour justement réagir très fortement. Et donc, c'est un contexte à la fois de la part des Allemands d'inquiétude quand même mesurée, et de la part des Parisiens, une sidération totale. Oui, mais les Parisiens ont l'esprit badaud. Je vous propose d'écouter le témoignage de Madame Levaillant, qui était une toute jeune fille à l'époque. C'est un témoignage qui a été recueilli par l'émission de Patrice Gélinet, l'Histoire en direct. On habitait rue Le Pic, tout en haut, près de la place Jean-Baptiste Clément, et alors on voyait rien venir, c'est le cas de le dire. Alors ma mère dit, on va descendre, il faut tout de même savoir. Alors nous sommes descendus, rue Ravignan, et alors au coin de la rue Ravignan et de la rue des Abbesses, on a vu un petit tank allemand qui s'avançait, alors avec le canon braqué, et puis je me souviens, c'était un très jeune, il était tout blond, mais la figure tout allée par le soleil, par le vent. Il avait des yeux très bleus, ça faisait drôle, vous savez, tout ce clair dans cette figure toute noire. Et puis alors, il braquait son canon sur toutes les fenêtres, tous les volets fermés, mais enfin, sans doute au cas où quelqu'un aurait fait un geste malencontreux. Et alors, à ce moment-là, moi, j'ai été surprise, je les voyais pas comme ça. Et puis alors, moi je ne me rendais pas bien compte, évidemment, j'étais tout de même jeune, mais ma mère prenait pas les choses pareilles, et alors elle a commencé à pleurer, alors elle m'a tiré par la manche, et elle m'a dit, allez tourne-toi qu'ils nous vont au moins pas pleurer. On les voyait pas comme ça, a priori, parce que on a limé les dents des loups assez vite, des ordres ont été donnés par le commandement allemand, on ne fume pas dans la rue, ça s'adresse aux soldats, hein. On se promène pas la chemise ouverte, on grille pas les feux rouges, on nage pas dans la Seine, on roule pas à plus de 40 km/h, on n'achète pas de revues porno, et puis on fréquente pas de négresses et de juives, et puis on mange pas plus de 3 plats au restaurant Sylvie Zedman. Oui, on a présenté une affiche pour rappeler les consignes qui avaient été données aux soldats allemands. C'était surtout éviter d'avoir la même réputation que lors de la Première Guerre mondiale, et puis rassurer la population, parce que derrière, il va y avoir des années d'occupation. Donc il va falloir apprendre à composer avec cette population. En tout cas, ne pas susciter de réactions violentes. Et donc, ils ont des consignes de correction. Hein. Les Français et les Parisiens le disent bien. Finalement, ils sont corrects. Alors, vous parlez de l'affiche que vous avez posée sur les murs du musée Jean Moulin. Au musée de l'Homme, place du Trocadéro, une affiche est posée au moment de l'arrivée des Allemands par Paul Rivet, le directeur du musée de l'Homme. On sait que c'est au musée de l'Homme que s'organisera quasiment le premier réseau de résistance à Paris. Et on peut lire les vers d'un poète anglais, Rudyard Kipling, « If, si... ta tête et ton courage t'abandonnent, mais que tu gardes néanmoins en toi l'absence de peur, tu seras un homme, mon fils. » Alors, place du Trocadéro, peu de temps après l'arrivée des troupes allemandes, un jour indéterminé, on ne sait pas très bien si c'est le 23, sans doute le 23, mais ça pourrait être aussi peut-être le 28 juin, le chancelier Hitler, très matinal, après avoir fait ouvrir les portes de l'Opéra Garnier, arrive sur l'esplanade, et ceci est un récit de son ami, le sculpteur Arnaud Brecker. C'était pas Paris que je connaissais, c'était une ville fantôme, une ville tout à fait morte. Alors je connaissais plus rien du tout, et même Hitler avait l'air d'être très impressionné. La seule chose qui était pour moi un petit éclairage, c'était un marchand de journaux où il criait « Le matin, le matin !» Et aussitôt qu'il a vu le visage d'Hitler, sa bouche restait ouverte, il était pris dans une panique, il jette les journaux, il court à toute vitesse pour se cacher à quelque part. Quand Hitler a vu le vendeur de journaux s'enfuir, est-ce qu'il a fait un commentaire en fait, Non. Il n'a pas vu l'effet qu'il produisait sur les Français. Non. Et toujours d'après le légendaire, un pêcheur qui pêchait à la ligne dans la Seine est là avec sa canne qui remonte du fleuve. Et lui, il voit Hitler et il dit « Tiens !» Sacha Guitry fait ce commentaire, celui-ci n'était pas un vaincu. Je ne sais pas si c'était un résistant potentiel, comme Paul Rivet, le directeur du Musée de l'Homme, ce pêcheur. En fait, il y a beaucoup de légendaires, on n'est pas très sûr de tout ça, hein, Sylvie Zedman. Oui, déjà, on n'est pas très sûr de la date, comme vous disiez, de la visite d'Hitler. Donc c'est assez incroyable que, après tant de temps, après 80 ans, on ait du mal à la situer. On pense que c'est plutôt le 23, mais... C'est une visite qui est préparée, elle est très symbolique. Hein. Elle ne dure que 2 heures, de 6 heures du matin à 8 heures du matin. Et donc, en 2 heures, Hitler fait le tour de Paris. Il va s'incliner devant le tombeau de Napoléon. Il fait sa séance de photos au Trocadéro, passe par le Sacré-Cœur. Il s'en va, il ne reviendra jamais à Paris. Dites-moi quand même, son passage aux Invalides, très rapide, va lui suffire pour apercevoir la statue de Mangin, un héros de la guerre de 14. Alors on discute beaucoup des statues aujourd'hui. Les statues qui sont des objets de mémoire, des objets de célébration, on pourrait dire du mal de Mangin, peut-être l'homme de la force noire. Oui, mais Hitler, il a fait abattre, semble-t-il, la statue de Mangin, parce que après l'avoir vu avenue de Tourville, il aurait dit il faut pas s'encombrer de souvenirs de la sorte. Ça a été une des conséquences de la visite de Hitler, Sylvie Zeman. Oui, puis il faut voir que beaucoup de statues en bronze ont été abattues pour être fondues aussi, hein, tout simplement. Et par donc, mesure d'économie pour fournir de l'armement. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot des objectifs des premiers jours dans Paris pour les Allemands? Il y a une division intramuros, il y en a quatre à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'ils occupent? Quel bâtiment les intéresse le plus? En fait, ils ont très très bien préparé leur arrivée. Contrairement aux Français qui n'avaient pas imaginé l'invasion, les Allemands, eux, y croyaient. Et donc, ils se sont servis de plans de Paris pour décider et se répartir les endroits. Par exemple, on sait que le gouverneur militaire s'est installé très rapidement à l'hôtel Crillon, hein, par exemple. Donc, c'est un moment de repérage, c'est un moment où on met les drapeaux à croix gammée partout, y compris sur l'Arc de Triomphe. Sur la Tour Eiffel aussi, on a de belles images, ça a été filmé. Donc c'est un temps à la fois d'installation et un temps de propagande. Un des premiers lieux d'installation dès le 14 juin, le premier jour, c'est l'hôtel particulier du Grand Orient de France, rue Cadet, qui préjuge des décisions que le gouvernement Pétain prendra vis-à-vis de la franc-maçonnerie au mois d'août 1940. Justement, un mot sur l'été. Ça nous intéresse aujourd'hui la réouverture des établissements, Sylvie Zeman. Eh bien, les terrasses parisiennes et les restaurants ont ouvert dès le 16 juin. C'est-à-dire 2 jours après l'arrivée des Allemands. Alors évidemment, un petit peu plus tard dans l'été, à peine, les théâtres et les cinémas vont rouvrir. Parce qu'il faut savoir que environ 1 million et demi de Parisiens vont rentrer à la fin août. Presque tous seront rentrés en septembre. Fin juillet, il y a déjà 7 théâtres et music halls, 123 cinémas. Et 40 boîtes de nuit. Les boîtes de nuit ouvrent en même temps que les cinémas et les théâtres. Le Bois de Boulogne n'a rouvert que le 22 août. C'est curieux, ça. Oui. Bon, ben merci à vous, Sylvie Zeman. Votre exposition, eh ben c'est le 16 juin, tiens, justement. Rouvre, quelle heureuse coïncidence. Mais vous n'avez pas voulu faire trop de rapprochements entre les événements que nous avons vécus et l'actualité. Comme dit la reine Elisabeth II, qui a vécu tant de périodes, ça ressemble à la guerre, mais c'est pas la guerre ce que nous traversons aujourd'hui. Le catalogue de votre exposition, c'est dans la collection Paris Musée, aux éditions Paris Musée. Comme l'exposition du Musée de l'Armée a un catalogue, on peut recommander cette exposition aussi comme en 40, un catalogue aux éditions Gallimard, et puis les manifestations du Musée de l'Homme pour célébrer la résistance de l'équipe du professeur Paul Rivet sont aussi à mettre en exergue. Cette émission était réalisée par Hélène Kouyoumjian, avec Fabrice Desmaz, Martin Penet pour la programmation des chansons, la préparation à distance, Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, la réalisation à distance, nos amis Juliette Gou et Audrey Ripouille.